Vas-y, c'est parti. À l'évidence, pas de paix. Ça fait l'Afrique, ils continuent de la piller. Malgré tout leur fric, ils n'empêcheront jamais de briller. Comme ils empêcheront jamais un homme saint de prier. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur nous, on les a grillés. Et j'ai pas besoin de crier, on est des guerriers. Mais on se bat pas pour les lauriers. On mène une guerre dans un monde à part, depuis le départ. On bosse dimanche et jour férié. Là où tu me vois, je ressemble à un choc de culture. Un choc, comme un nez cassé sur une sculpture égyptienne. Une caricature erronée, la dictature n'est pas toujours celle qu'on reconnaît. Même les factures, c'est pas les mêmes pour tous. Y'a pas la même peine pour tous, donc évidemment pas la même haine pour tous. Ils nous font croire qu'il y a les mêmes lois pour tous, mais sans les mêmes avocats, y'aura jamais la même justice pour tous. Pas de justice, pas de paix, vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix. En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect. Pas de justice, pas de paix. Pourquoi ils sèment la haine, hein? Mais on fera pas la guerre avec des pierres. La guerre des nerfs, avec des mecs vénères. Des vrais soldats, pas ceux qui font leur service militaire. Pas ceux qui chialent leur mère à la première occasion de le faire. On se passe de ceux qui essayent de nous faire taire. Ceux qui nous visent, stéréotypes. Ils parlent beaucoup, mais faut qu'on vous dise qu'ils s'épuisent très vite. Ceux qui nous discréditent, ils nous préparent à l'échec scolaire. Préparent leurs gosses à la conquête du système solaire. Préparent leurs crosses et leurs matraques. Je prépare la guerre à ma manière, puisqu'ils cachent leurs plaques. Quand ils nous chargent, l'état les matchs, donc ils sont couverts. La répression, c'est pense comme eux ou t'as le front ouvert. Et on les voit bouger dans le sens qu'on aime pas. Et comme personne nous représente aux élections, ils s'en balancent qu'on aime pas. Je la prends, leur carte d'électeur. Et maintenant j'attends les mots qui lui donneront de la valeur. Pas de justice, pas de paix. Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix. En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect. Pas de justice, pas de paix. Pourquoi ils sèment la haine, hein? Y'a rien qui tourneront, et alors les plans qui les élaborent, chacun pour soi d'abord. Et puis ceux qui collaborent, ils se graissent la patte. Y'a ceux qui vendent et ceux qui l'adorent. Je parle de la pilule, j'oublierai pas tous ceux qui se l'adorent. Et ils se la donnent, c'est de la bonne. S'il y a donne, un coup du sort. Tu soignes les jeunes à la méthadone. Chaque moyen de se foutre en l'air, ils nous les donnent. Et si pour mieux se faire la guerre, il faut des armes, ils seront nos hommes. J'en profite puisque ma voix résonne. Puisque j'ai l'esprit vif, une grande gueule et un microphone. Entre les hommes, ils parlent d'égalité. Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Pour eux, ça n'existe pas. Les bavures policières, ça n'existe pas. La double peine, ça n'existe pas. Délit de faciès, ça n'existe pas. Éducation de seconde zone, ça n'existe pas. Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Justice à deux vitesses, ça n'existe pas. Et si tout ça n'existe pas, on est tous parano, on est fous. C'est ça? Bah voyons. Stop, stop. Stop, stop. Pourquoi ils sèment la haine, hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein? Hein? Hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein? Hein? Hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein? Huh?